Exercice 11. 1. Justin, tu vas où? C'est l'heure du cours de musique. 2. Bonjour, monsieur Garcia. Comment allez-vous? Oh, bonjour, monsieur le directeur. Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, je vous remercie. 3. Ah non, il y a toujours du riz à la cantine. Ouais, tu as raison. Moi, je veux des frites. 4. Où est-ce que tu cours? Je suis en retard pour le cours de sport. Mais le cours de sport, c'est par là? Ah oui, tu as raison. Merci. 5. Bonjour, je suis le professeur de français de votre fils. Asseyez-vous. Bonjour. Merci pour le rendez-vous.